sens. Ferrari, je m'accroche à la life. Je connais même pas le sens. Yeah. Après ce mise en quand je sais. Parfois je rigole quand je sais. Parfois je récolte quand je sais. Yeah. Tu mets au vide de la paix. On attend le jour de la paix. J'avoue, je veux plus que la paix. Merci de pour tout ce qui presse. Je sais que la vie est brève. Je sais qu'un jour tout s'achève. Je sais que le chrono me presse. Mon cœur se console dans les braises. Ma bite et mon majeur se presse. Tristesse dans tout pour les tests. J'ai roulé des perces et des perces. Pendant que le sapin se perce. À part ça, y'a air qui me perce. À part ça, y'a air qui me perce. Je dois rester des heures inertes. À fumer la crine, la perce. Mon cerveau s'abîme, alerte. Je cours à moi, je cours à ma perte. J'entends le bruit du tic-tac. Mes humeurs font des zigzags. Mon cerveau s'abîme, alerte. Je cours à moi, je cours à ma perte.